Oye, maestra, limón. Yapma kabulüm bu. Depuis la douce aurore du jour levant jusqu'au coucher du roi soleil, un vrai mot aimé vit le terre. On a colina yokelanga. Malimi sakango ya mabe ya mouninga. Oh, I'm not the one who's running out of time.